Exercice 4. Mon ami vient juste de partir. 1. Nous venons juste de nous parler. 2. Le film vient juste de commencer. 3. Je viens juste d'arriver. 4. Hélène vient juste d'appeler. 5. Les magasins viennent juste de fermer. 6. On vient juste de se réveiller.